Unité 36. Conversation. Écoutez. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? Quai B. À quelle heure exactement arrive-t-il? À 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? Oui, madame. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Répétez. 1. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? 2. Quai B. 3. À quelle heure exactement arrive-t-il? 4. À 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. Cinq. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? Six. Oui, madame. Sept. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? Huit. Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Répondez, répétez. 9. Pour le train en provenance de Périgueux, c'est quel quai? 10. Quai B. 11. À quelle heure exactement arrive-t-il? 12. À 10h15. Mais on a annoncé un retard d'un quart d'heure. 13. Comment? Le train a un quart d'heure de retard? 14. Oui, madame. 15. Mais alors, je n'aurai pas ma correspondance à Limoges pour Châteauroux? 16. Je pense que si. Le train pour Châteauroux attendra l'arrivée de celui de Périgueux. Écoutez. 17. Allô? Qui est à l'appareil? 18. Madame Imbert, je voudrais parler au directeur. 19. C'est à quel sujet? 20. Pour lui dire que mon fils ne viendra pas à l'école pendant quelques jours. 21. Ne quittez pas. Je vous passe, monsieur le directeur. 22. Non, non, je ne quitte pas. 23. Allô? Bonjour, madame. Qu'est-il arrivé à Eric? 24. Il a eu un petit accident hier, pendant qu'il allait me faire une commission. 25. C'est grave? 26. Non, le médecin pense que ce ne sera rien. Il a eu de la chance. 27. Pouvez-vous demander qu'on lui fasse porter le travail? 28. Ne vous inquiétez pas, madame. Il vaudrait peut-être mieux qu'il se repose. Répondez, répétez. 29. Allô? Qui est à l'appareil? 30. Madame Imbert, je voudrais parler au directeur. 31. C'est à quel sujet? 32. Pour lui dire que mon fils ne viendra pas à l'école pendant quelques jours. 33. Ne quittez pas. Je vous passe, monsieur le directeur. 34. Non, non, je ne quitte pas. 35. Allô? Bonjour, madame. Qu'est-il arrivé à Eric? 36. Il a eu un petit accident hier, pendant qu'il allait me faire une commission. 37. C'est grave? 38. Non, le médecin pense que ce ne sera rien. Il a eu de la chance. 39. Pouvez-vous demander qu'on lui fasse porter le travail? 40. Ne vous inquiétez pas, madame. Il vaudrait peut-être mieux qu'il se repose. 41. Dans combien de temps j'aurai ma carte d'identité? 42. Il faut compter une bonne semaine. 43. Est-ce que je ne pourrai pas l'avoir vendredi? 44. Je ne crois pas que ce soit possible. Nous sommes débordés. 45. Mais je dois aller en Suisse à la fin de la semaine. 46. Je suis désolée. Il fallait y penser plus tôt. Répondez, répétez. 47. Dans combien de temps j'aurai ma carte d'identité? 48. Il faut compter une bonne semaine. 49. Est-ce que je ne pourrai pas la voir vendredi? 50. Je ne crois pas que ce soit possible. Nous sommes débordés. 51. Mais je dois aller en Suisse à la fin de la semaine. 52. Je suis désolée. Il fallait y penser plus tôt. Écoutez. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. Quand ta voiture sera-t-elle prête? Dans 2 jours, j'espère. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Répétez. 53. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? 54. Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. 55. Quand ta voiture sera-t-elle prête? 56. Dans 2 jours, j'espère. 57. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? 58. Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Répondez, répétez. 59. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? 60. Oui, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais alors, conduis-moi au bureau. 61. Quand ta voiture sera-t-elle prête? 62. Dans 2 jours, j'espère. 63. Et demain, est-ce que tu t'en serviras? 64. Oui, demain après-midi, je dois aller à Sens voir un client. Écoutez. 65. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? 66. Je voudrais un bon dictionnaire français. 67. C'est pour un enfant ou pour vous? 68. Non, c'est pour un étudiant étranger qui a besoin d'un dictionnaire de la langue française. 69. Que pouvez-vous me proposer? 70. Il y a le Lexis, le Petit Robert ou encore le pluridictionnaire. 71. Lequel me conseillez-vous? 72. Tous les trois sont bons. Ces deux-ci sont uniquement des dictionnaires pour la langue. 73. Et l'autre? 74. L'autre donne aussi les noms propres. 75. Pour un étranger, que vaut-il mieux prendre? 76. Je pense que celui-ci convient mieux. Il est très complet. Répondez, répétez. 77. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? 78. Je voudrais un bon dictionnaire français. 79. C'est pour un enfant ou pour vous? 80. Non, c'est pour un étudiant étranger qui a besoin d'un dictionnaire de la langue française. 80. Que pouvez-vous me proposer? 82. Il y a le Lexis, le Petit Robert ou encore le pluridictionnaire. 83. Lequel me conseillez-vous? 84. Tous les trois sont bons. Ces deux-ci sont uniquement des dictionnaires pour la langue. 85. Et l'autre? 86. L'autre donne aussi les noms propres. 87. Pour un étranger, que vaut-il mieux prendre? 88. Je pense que celui-ci convient mieux. Il est très complet.